En Corée du Sud, selon le journal d'internet Tangle News, le comité de mesures estudiantin pour l'annulation de l'accord sud-coréen-japonais sur les femmes de réconfort au service de l'armée japonaise a accordé le 21 à Séoul, devant le siège du gouvernement, une conférence de presse avant de se mettre en action urgente 24 heures sur 24 contre la conclusion d'un accord sur la protection des renseignements militaires avec le Japon et pour la démission de Bakune. La formation a déclaré entreprendre l'action urgente des étudiants 24 heures sur 24 devant la Maison Bleue jusqu'à l'heure de commencement de la réunion des affaires d'État prévue le 22 novembre pour adopter le projet d'accord comme document officiel. Par ailleurs, l'action de la population pour la paix et contre la guerre aussi a tenu le même jour un rassemblement à la bougie pour la retraite de Bakune devant la porte Kwanha à Séoul et livré une manifestation contre la conclusion de l'accord en question.